n'aura pas de facile. Oh, Chris, non. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. Nous sommes les frères Cassette, moi je suis Gilles. Et moi, Gaétan Cassette. Et puis le concept de l'émission, c'est très simple. On joue à un jeu vidéo, on boit une bière. Puis on vous dit ce qu'on en pense. Hey, pas compliqué, pas en tout. Non. Ce soir, au menu principal, mesdames et messieurs, levez la grand voile, regardez au loin, parce qu'on s'en va faire du bateau. On va faire du bateau, on va être des vrais corsaires, des vrais pirates, puis on s'en va plonger dans le monde d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Et on peut le dire en français aussi à cause de la loi 101, ouais, le drapeau noir. Bon, on se fera pas poursuivre cette fois-ci. On l'a fait une fois, c'est bien correct. Ça. Et puis, que de mieux comme accord de bière et de jeux vidéo qu'une bière de la microbrasserie Le Naufrageur. Oui, une microbrasserie qu'on affectionne particulièrement. Et aujourd'hui, on boit la Coldborn, qui est une bière rousse. Donc, on va avoir... beaucoup de plaisir à boire ça. Oui, puis non seulement bière rousse, on essaie de faire appel aussi à Barbe Rousse, qui n'est pas dans le jeu vidéo. Non. Mais qui pourrait l'être. Tout à fait. Donc le lien est là, on peut pas le nier. Absolument pas. Puis aussi sur l'étiquette, là, il y a un bateau au loin qui semble vouloir braver un intempérie. Ouais, puis il y a un monsieur avec une torche dans la main. Puis par torche, je parle de feu, là, on n'ira pas. Non, on rentrera pas dans la description de grosse femme. Non, c'est ça. Mais le gars avec la torche en tant que tel, ce qui était supposé remplacer. En fait, est-ce que c'est la représentation humaine d'un phare qui n'existait pas à l'époque encore? Moi, je dirais que oui. Ouais, un phare. Si on est un peu sur le crack, puis on regarde l'étiquette, là, ouais, ça serait peut-être un phare. Papa, bon, ben, je pense qu'on va déboucher ça immédiatement. Oui, ben oui. Et puis, c'est une toute première aussi. On va déboucher chacun nos bières en même temps, simultané, en stéréo FM. FM. 1, 2, 3. Toi, t'as plus de misère que moi avec ton petit porte-clés de... Ouais, ben, il est plus petit aussi. Tout rouillé. Oups, désolé. Non, on va pas là. Non, on ira pas là. Fait que, moi j'aime toujours écouter le son d'une bière qui coule dans son verre. Oui, ça prend ça. Celle-ci se coule très bien, très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Je le regarde à travers la lumière de ma lucarne. C'est quand même pas pire. C'est une bière rousse très franche. Ouais, oh ouais, quand même un peu foncée. Un peu plus foncée qu'une bière rousse normale, mais... Ouais. Au nez, on sent des affaires. Tu vas être un peu plus précis dans ta description, s'il te plaît. Pas pour le moment, non. Okay, non, on va falloir que je n'aille dans la gueule pour y aller. Fait que, première gorgée, tout le monde. Ouais. Oh, c'est une rousse qui a beaucoup du de caractère. Punch. Exactement, du caractère. Non, c'est pas une rousse... tu sais, des fois, on en trouve qui sont un peu fruitées, un peu sucrées. Non, ça, c'est vraiment une bonne rousse, bien amère. Ça goûte... À la limite de l'IPA, je dirais, en termes d'amertume, de présence en bouche. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Alors, bon, allons-y. Ben, sans plus tarder, Assassin's Creed 4, donc, le 45e jeu de la série Assassin's Creed paru par Ubisoft Montréal. Oui, malgré le 4 dans le titre, c'est pas littéralement le 4e, on s'entend. Non, c'est ça. Là, ils sont rendus pas mal plus loin que tout le monde peut penser. Avec tous les produits dérivés aussi. Oui. Jeu de console portable, je pense qu'ils ont même un Monopoly aussi, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que lui, il compte pas dans la série, c'est pas clair. Ah, pour vrai? Ah, okay, malheureusement, j'aurais aimé ça. Mais... Non, parce que je me demandais justement si j'avais pas joué au jeu de Monopoly, est-ce que je comprendrais l'histoire d'Assassin's c'est 4? C'est ça, en fait, là, tu sais, il y a comme un gap entre deux jeux qui expliquent dans le jeu de Monopoly, tu sais, c'est... Ah. Mais bon, Motadine. On l'a pas joué, fait qu'on va peut-être manquer des bouts d'histoire qu'on comprendra pas, on s'en excuse d'ailleurs. Ouais. Bon, fait que moi, premièrement, je dois faire une légère confession. J'ai pas joué au 3 dépassé le prologue. C'est-à-dire, j'ai même pas été capable de finir la première partie du jeu dans laquelle j'incarne le père du protagoniste de Assassin 3. Tu vois, moi, j'ai pas joué au 3. Ma copie est encore emballée chez nous dans mon stack de jeux, puis j'ai toujours pas eu le temps de jouer. Mais tu sais, ma tante Ginette, elle t'a donné ça, là, puis elle était tellement contente de te l'avoir donné. Pourquoi tu y as pas fait honneur? Ben, je sais bien, mais tu sais, en même temps, j'avais d'autres jeux à jouer, puis tout ça, puis tu sais, ma tante Ginette a boué un peu, puis en ce qu'on en... Ouais. Bon mais... tout ça pour dire que n'ayant pas joué à Assassin's 3, je pourrais pas vraiment dire qu'est-ce qui mène dans les péripéties autant de Desmond que de comment est-ce qu'il s'appelle, Connor? Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est sûr que faire le lien de Assassin 3, Assassin 4, on pourra pas les faire tous nécessairement. Mais en même temps, c'est une bonne chose parce que Assassin 4, en tant que tel, c'est un peu un renouveau. T'sais, on repart un peu à neuf parce que Desmond, son histoire est finie, on incarne quelqu'un d'autre. Puis, oui, il y a un lien quand même à faire entre. Connor puis Edward Kenway. Oui, ils partagent le même patronyme, même famille, exactement, qui est Kenway. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, je veux dire, on repart plus à neuf avec Assassin's Creed. Ouais. Puis c'est, en tout cas, pour faire quand même une bonne différence entre le 3 et le 4, il y en a une, en tout cas, des premières quelques minutes du 3 que j'ai vu. Ça paraît, c'est très bon. Oui. Puis, de la manière que ça commence, le 4, je me souviens plus si on commence en tant que Edward et où le personnage dont on connaît pas vraiment le nom en temps réel, là, temps moderne. Si je me souviens bien, tu commences en tant que Edward Kenway, puis après la première mission, je pense, là, tu deviens ta personne réelle qui travaille dans un studio de jeu à Montréal qu'on ne nommera pas. Non, du tout, mais ça s'appelle Abstergo. Ouais. Qui est de la compagnie méchante là, qui est derrière toutes les autres méchants. Qui ressemble aucunement à Ubisoft Montréal qui a fait le jeu. Aucunement. Ça n'a pas l'air. Ben, en tout cas, je pense que d'au loin, tu sais, à un moment donné, tu vois la ville au loin, là, c'est pas à la même place. Mm. Fait que c'est totalement fictif. Là. Ouais, là, on est loin de tout. Non, on est dans un autre monde. Mais de la manière que ça commence, c'est que, tu sais, je sais pas, moi, Edward, il a l'air d'être un petit peu cocky du haut de sa face de Heath Ledger, puis comme ça, à un moment donné, il est sur un bateau, puis il y a une bataille, puis il se ramasse à l'eau, puis après ça, la tempête s'en va, puis il se ramasse à la plage, puis il est à côté d'un gars qui finit par tuer, ramasser son linge, et il devient un assassin. Ouais, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est un peu le même principe que chaque début d'Assassin's Creed où t'as un bum de rue, si on veut, qui finit par rencontrer un assassin, puis il se rend compte que de façon magique, c'est un assassin lui aussi, puis ça, c'est dans sa lignée de sang, puis tout ça. Puis et boy, il y a magique, tu dis, toi. Ben écoute, c'est quasiment ça. C'est comme si David Copperfield arrivait et il disait « Je change ma baguette magique pour une lame cachée. » Ben, de la façon voilà. que c'est tiré par les cheveux, je te dirais que oui, c'est à peu près ça. En tout cas, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, le comment est-ce que tu le deviens, mais c'est surtout qu'est-ce que tu fais. Parce qu'Assassin's Creed nous a toujours donné une quand même très grande liberté de manœuvrabilité, de navigation dans le monde. Ouais. Et dans ce 45 millième opus de la série, on prend une toute nouvelle tournure en termes de monde ouvert et j'ai nommé Caraïbes. Ouais, les Caraïbes. Il y a beaucoup de choses qui... C'est bizarre. L'environnement change, mais ça reste assassin pareil. Ah, c'est la même c'est affaire. C'est la même chose. Même affaire. Mais faut leur donner, niveau environnement, ils sont vraiment forcés. Puis le jeu, en tout cas, pour ce que j'ai vu sur PC, je l'ai pas vu sur console encore, mais il est extrêmement beau. Il y a des couleurs vraiment vibrantes. Puis l'affaire avec Assassin 3 était un peu différent de ce que j'ai vu au niveau des vidéos et tout ça. Mais tu sais, les premiers Assassins, c'était très... Le premier, c'était bleu-gris. Après ça, c'était du brun puis du rouge à n'en plus finir. C'est vrai. Puis là, ça comme on a commencé à rentrer dans des couleurs avec Assassin 3. Puis on dirait qu'avec Black Flag, on a en fait comme « Ok, let's go, là, on y va dans des couleurs super éclatantes. On veut comme briser le... » Ben moi, tu vois, je trouve qu'il y en a tellement de couleurs que... À un certain point, c'est tellement saturé que je me vois même plus dedans. Je vois même plus mon bonhomme dedans. Ça dépend des endroits actés. T'sais, c'est sûr qu'au début, quand tu commences dans le jungle, pis tout ça, c'est un peu overwhelming tellement qu'il y a des objets, des couleurs justement un peu partout. Que c'est un peu dur sur les yeux, mais quand tu rentres dans les villes, c'est vraiment moins pire. Quand tu arrives à la Havane, pis tout ça, ça commence à se calmer un peu. Pis, c'est plus, ouais, parce qu'on, plus plaisant à l'œil. Quand t'es dans la jungle, justement, il y a des arbres... partout autour de toi, jusqu'au-dessus de ta tête. Alors, tu sais, le protagoniste, il est entièrement recouvert de ça. Il est enseveli là-dedans, fait que ça fait très chargé. Puis comme tu dis, Gaétan, quand on arrive dans la ville, ben là, il y a un ciel, puis il y a du monde, puis il y a des bâtisses, puis il y a du sable, des affaires de même. Mais il y a aussi une des grosses parties du jeu, ça passe sur la mer. Puis la mer est quand même vraiment intéressante visuellement. Ouais, ben c'est ça le gros point fort de ce jeu-là, c'est la division qu'ils ont faite entre la partie open world, qu'est la mer des Caraïbes, avec ses nombreuses communautés insulaires et différentes petites baies à explorer. Et les villes comme La Havane, comme Kingston en Jamaïque, comme... Il y a une ville aussi en quelque part au Mexique, je crois. Ouais, que quand t'arrives là, ben on déload le open world de la mer pour loader la ville. Fait qu'il y a vraiment une séparation entre tout ce que tu peux faire dans une ville et une autre et une autre, puis tout ce que tu peux faire dans le open world. Mais c'est à peu près la même chose en termes de voilà, tu lui puis tout ça, mais tu ne t'y rends pas de la même manière. C'est ça, c'est un peu le concept qu'on avait dans Assassin's Creed 1 avec le royaume, mais fois 1000. Oh, puis c'est... Écoute, mais... fois 1000, c'est peu dire. On a remplacé les champs par de l'eau. En partant. Puis on a remplacé le cheval par un bateau. Wow, faut le faire. Faut le faire. Oh, ouais. Moi, c'est ça qui me fait vraiment, vraiment triper. Ah oui. Personnellement, là, je pourrais complètement oublier que j'ai des lames cachées sous moi puis aller tuer quelqu'un que je vais me... Non, mais sérieusement, parce que toute la mécanique qu'il y a derrière la navigation navale, faut le dire, c'est beau. Oh oui, mais bon. En fait, c'est super trippant. Puis moi, personnellement, la partie navale, c'est ma partie préférée du jeu parce que il y a un sens de découverte qui est incroyable comparativement à ce que tu vivrais sur la Terre juste en te promenant dans une ville. Ben, parlons-en de ça justement, parce que là, tout le monde a joué aux 53 autres Assassin's Creed avant ça. Fait qu'on sait tout comment ça marche là. T'es une poche de patates qui déboule dans un monde que tu bouges autour d'elle pour éventuellement aller planter ta lame dans quelqu'un. Puis là, quand t'arrives sur ton bateau, c'est totalement différent. Ouais. Et puis on va essayer de se concentrer un petit peu plus là-dessus. Bon, on y reviendra quand même là, à la partie vraiment Assassin's Creed, mais la partie pirate, parce qu'il faut le dire, c'est ça que t'es un pirate. Toi, comment, je veux dire... Ben, on s'imagine être en haute mer dans ce temps-là, là, avec le petit haut-le-cœur à cause des vagues. En fait, c'est ça. Ma vision du jeu présentement, là, c'est qu'ils ont vraiment fait une super job de démontrer la piraterie dans un univers d'assassins. Le problème que j'ai avec ça, malgré le fait que j'adore justement être en haute mer, avoir mon équipage sur mon bateau, aller descendre d'autres bateaux, puis tout ça, je trouve ça super. Mais ça reste dans l'univers d'assassins, puis je trouve que c'est dur à... dur de marier les deux? Ouais, ou ben c'est ça, c'est que... Mais t'as déjà réussi à faire un croisement entre un rat et un oiseau dans la vieille établie à mon oncle, là, t'sais. Oui, mais... C'est deux affaires totalement différentes qui vont mais bien ensemble. Mais ça, c'est une expérimentation et ça a très bien viré, tu le sais. Ouais. Mais, sinon, pour revenir au jeu... Il pompe le gaz à station-service du coin, man. C'est une réussite totale. Exactement. Mais pour revenir au jeu, en fait, c'est que, selon moi... On dirait qu'ils ont voulu faire un jeu de pirate. Ils ont vraiment voulu avoir un jeu 100% pirate, mais ils ont été obligés de mettre un template d'Assassin's Creed dessus. Ce qui fait que les portions pirates, genre pleinement pirates sur la mer, sont super le fun, puis t'as vraiment l'impression d'être un pirate. Mais à partir du moment où tu mets le pied à terre, tu perds un peu ce feeling-là. Puis la partie à terre, soyons honnêtes, si vous avez déjà joué à un Assassin's Creed, c'est la même chose. Ouais. La même chose. Ouais. C'est sûr que il va y avoir des petits changements par-ci par-là. C'est pas les mêmes collectibles qu'on va trouver. Mais sinon, en général, ça marche de la même maudite façon. Ouais. Fait que j'ai aimé l'idée de justement avoir tout le côté naval qui était très différent. Mais on dirait que la brisure est trop là. On dirait que je me mets dans un set. Je suis un pirate, je suis le capitaine de mon bateau. C'est comme deux jeux en un, finalement. Ouais, mais c'est ça. C'est comme un Pizza Getty, finalement. Ouais, puis à chaque fois que je débarque de mon bateau, malgré que les missions sont quand même le fun et intéressantes, on dirait que j'aurais voulu garder cet esprit de piraterie-là. J'aurais aimé mieux être un pirate que de retomber dans Assassin puis d'avoir le même système de combat, les mêmes missions. Parce que ça reste le même type de mission, c'est tout pareil. Ouais, ouais, absolument. Pis... mécaniquement, le jeu... sur Terre, c'est les mêmes mécaniques. C'est les mêmes mécaniques. Absolument. Toutefois, c'est sûr qu'il y a des side missions ou des quêtes secondaires ou quoi que ce soit qui doivent absolument faire appel à ton côté de navigateur parce que, bon, tu sais, à un moment donné, quand t'es sur l'eau, là, où c'est que tu vas trouver du bois? Ah, c'est ça. On y reviendra, mais... tu peux pas faire des réparations de ton navire en haute mer. Enfin, oui, mais on y reviendra. Fait qu'il y a plein d'activités qui sont quand même très, très importantes Ouais. Pour la progression et le développement de autant ton bateau que de ton équipage. Ben c'est ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est l'exploration, c'est que tu vas te promener, il va y avoir des hommes à la mer que tu vas pouvoir sauver, il va y avoir des îles proches que tu vas pouvoir arrêter, aller chasser un peu, ramasser des matériaux que tu vas pouvoir utiliser plus tard. Ouais, ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que la chasse, là, c'est très Far Cry. On s'entend-tu, là? Ouais. T'as besoin de tuer... je sais pas moi, deux cailles puis un lézard, puis avec ça tu te fais un nouveau portefeuille là, c'est la même affaire. C'est sûr. Puis j'ai eu un peu de misère avec le système de chasse. Je sais pas, je trouvais ça correct mais sans plus. On dirait que j'avais pas le thrill. Tu sais, justement dans Far Cry tu chassais, tu mettais proche du sol, t'essayais d'arriver tranquillement, de pas faire de bruit, de bien viser pis tout ça. On dirait que je ressentais pas le besoin d'être aussi tactique dans mon approche. Furtif même. C'est ça. J'avais l'impression que je pouvais tout simplement juste monter dans un arbre, attendre 10 secondes, puis il y a un lézard qui passe, tu sautes dessus, c'est fini. Puis, c'est bien vrai ça. En fait, probablement pour alléger la charge de jeu, d'avoir laissé ça de plus ou moins facile à accomplir, c'est moins tannant. Non, c'est ça. Ben, tu sais, en même temps, c'est que pour ceux qui veulent pas en faire, ben, tu sais, ça fait qu'ils n'ont pas à dealer avec trop longtemps. Exactement. C'est correct. Ouais. Mais tu sais, je pense. Justement, ce que Far Cry avait fait, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment le fun, tu te sentais vraiment comme un chasseur. Donc, je sais pas, on dirait que vu que j'ai joué à ça, je me suis habitué, j'étais comme un peu, pas nécessairement déçu, mais je sais pas, je trouvais ça « mais ». Il n'y a pas vraiment de mots, c'est juste « mais ». Ouais, ça reste des choses qui auraient pu être aussi bien achetées dans n'importe quel shop de l'univers là, pour, t'sais... augmenter ton armure ou quoi non, que ce soit. Ben, là, tu dois absolument le confectionner. Ouais, puis le mot crafting est très important. Ça, c'est bon parce que justement, ça fait un peu différent que d'avoir à aller dans toutes les shops qu'il y avait dans mettons, la série d'Assassin 2 où tout ce que tu faisais, c'était aller dans un shop puis t'upgrader. Là, d'avoir vraiment à chercher tes matériaux puis à le crafter toi-même, là, ça fait une différence. Puis c'est plus intéressant de cette façon-là. Ça, il n'y a aucun doute. Mais chercher ses matériaux, c'est la même chose qu'on doit faire pour upgrader notre bateau aussi qui sont tout est très très très important pour avancer dans le jeu parce qu'on mange une maudite bonne volée là. Oh, les combats navals sont pas super faciles là. C'est, non mais ils sont le fun. Oui, il y a quelque chose qui m'a fait triper dans ce jeu là, c'est justement quand j'ai spoté un bateau au loin, j'y ai dit lui il pète à la gueule. Puis j'y ai pété à la gueule, mais là il y a trois de ses amis qui sont arrivés puis ils m'ont pété à la gueule. Ça aussi, ça arrive souvent. Ça me rappelle un petit peu trop là, cette journée du 28 juillet dans le village. Anyway, ça pour dire que la mécanique est bien, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on fait, hein, parce qu'on a, trois armes principales sur notre bateau et elles ne sont utilisables, ces armes-là, seulement que si la caméra est dans l'angle qui permet de l'utiliser. Ouais. C'est-à-dire, on a les canons latéraux. Fait que si tu veux shotter de tes canons latéraux, ben tu dois absolument tourner la caméra sur un ou l'autre des deux côtés du bateau pour viser. Mm-hmm. Si on vise un bateau qui est en avant de nous, alors à ce moment-là, on va shotter ce qu'on appelle les swivels, qui est un canon à deux boulets relié par une chaîne. Et on a aussi les barils de feu. Ouais. Que tu laisses derrière pour que... Donc, il faut regarder derrière soi pour ça. À un moment donné, on achète un mortier qui est utilisable à l'aide d'une loupe. On regarde au loin, on décide, c'est à peu près là. Puis quand ça devient rouge, tu lâches. Puis là, il y a une pluie de feu qui tombe sur le bateau qu'on visait. Et où une des fortifications des forts en haute mer. Ouais. On y reviendra. Et puis, c'est à peu près ça qu'on a comme arme. On fait juste augmenter leur possibilité de dommages. Ouais. Mais... où est-ce qu'on peut ramasser plus de munitions et ou même de ressources? On peut aborder des bateaux et puis là, l'expérience de pirate apprend tout son sens. Ah, exactement. Ça, c'est le boule fun. J'ai été surpris quand j'ai vu que je pouvais justement faire l'abordage puis juste rentrer dans le tas. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que ça brise le gameplay de bateau là. C'est vraiment... on arrive proche du bateau, on pèse sur un bouton puis là, on lâche le... Voyons, la roue. Là, la roue. C'est ça. Ben, c'est ça. T'as le steering, le steering. C'est le steering. C'est ça, quand on dit un gros bateau, là, c'est comme un gros Cadillac. Là, non, tu lâches le steering. Non, tu pèses à la cloche, tu downshift, puis tu lâches le steering. Ah, exactement. Mais... Ça, c'est l'équivalent de peser sur B sur la manette. Oh, tu fais toutes ces actions-là en même temps. Mais ça, puis après ça, tu contrôles vraiment le personnage comme si tu étais sur la terre. Puis là, c'est vraiment, tu vas tuer les gardes, tu tu vas capturer les autres puis tu vas prendre les ressources que sur le bateau. Il y a quelques manières différentes d'aller sur l'autre bateau. Là. On peut simplement sauter d'un pont à l'autre. Ouais, on peut utiliser des cordes. Ouais, y a des cordes qui vont être lancées. Tu peux aussi juste nager puis te rendre, essayer d'y aller furtivement. Ouais, mais ça, c'est tannant parce que je l'ai fait une fois là, puis j'étais en train de grimper sur le bord du bateau ennemi puis il y avait un taouin qui savait où c'est que j'étais, puis il faisait juste swinguer son épée dans le vide, puis quand mes mains arrivaient où est-ce que c'est son épée swingait, là, je retombais dans l'eau. Ben, tu vois, même que des fois, il te donne un coup d'épée à travers la coque du bateau, fait que tu montes, puis il te donne un coup d'épée, puis tu tombes, puis t'es comme, ouais, c'est un peu n'importe quoi, mais quand même, l'option est là, fait que si jamais il y a personne qui te regarde, ben, tu peux y aller furtivement. Et vous pouvez même y aller en hauteur, mais on vous laissera découvrir ça. Ouais. Donc, une fois que le bateau a été... successfully abordé ou capturé, si on veut. L'office devrait nous appeler d'ici 5 minutes. Là. C'est ça, donc une fois que le bateau a été capturé complètement, on nous donne des choix. On peut autant... qu'est-ce qu'on peut faire, donc? Ben, tu le captures, puis c'est à peu près ça. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, non, mais c'est parce que les choix, c'est soit on peut descendre le niveau de notoriété navale qui est contre nous, on peut réparer notre bateau, et puis si jamais vous êtes connecté en ligne, ce qui est absolument pas mon cas, on peut envoyer un de ces bateaux-là dans notre flotte. Ouais. Donc, je sais pas trop que c'est que ça fait. J'ai pas essayé le mode en ligne non plus, fait que j'ai aucune idée que ça fait honnêtement. Si jamais vous avez fait ça, écrivez-nous dans les commentaires. Parlez-nous-en, on va être contents. On est bien curieux, parce que nous autres, on est quand même assez narcissiques. On incarne le personnage, puis c'est juste nous autres. Là, on se fout pas mal du reste du monde. Ouais, dans ce type de jeu-là, là, moi, je suis pas mal tout seul dans mon coin. C'est pas mal mon genre aussi. Ouais. Je regarde le temps, mon cher, puis c'est le temps de la gorgée du milieu. Yeah! Fait qu'on est rendu... Ben, ouais, à moitié à peu près. À peu près à moitié. Puis moi, depuis tantôt, là, je trouve que, pas qu'il y a un côté bois, mais il y a un côté tellement franc qui, justement, me rappellerait une espèce d'austérité de bois, si on veut. Ouais, non, mais je comprends ce que tu dis. Mais c'est ça, c'est franc, ça a du caractère. C'est... Ouais. Moi, j'aime ça. J'ai l'impression que cette bière-là aurait pu être... vieilli dans un baril qui a été confectionné à l'aide du bois d'une coque de bateau de pirate. Oh, qu'on fait des beaux liens. Non, mais sérieusement, c'est une super bonne rousse. Si vous aimez les rousses qui sont... qui sont fortes en goût, mais pas niveau épicé, tout ça. Juste quelque chose qui goûte puis qui est franc dans son goût. Ça, c'est bon. Ouais, exactement. C'est une bière de haute mer. Oh! Oh. J'aime ça. Tu peux la faire, si tu veux. Le Turumtish. Ah, Turumtish. Ah, ok, c'est bon. Bon, on va reprendre une autre gorgée. Là. Parle-nous donc d'un autre feature que ça tente de parler de. Mais sinon, on a assez. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. On veut dire une dernière chose sur l'aventure en mer. Puis c'est la température. Ok! Mais... Parce que généralement, il fait beau. Généralement, il fait beau. Quand il fait beau, tu te promènes, il n'y a pas de problème, tout est beau. Ouais. Mais quand il commence à pas faire beau, ça commence à brasser. Bout de vierge. Les vagues sont grosses, puis il y a des tornades, puis il faut que tu fasses attention, puis ça rend les choses compliquées. Puis il y a des rogue waves aussi, puis t'es vraiment mieux dépogné de plein front, parce que ça te ramasse, puis c'est très, très, très dévastateur. On parle de vagues, puis ça me fait penser à un détail super technique et probablement risqué, personne ne va remarquer, mais qui m'a quand même gossé. Ah. Parce que je trouve ça super le fun que quand tu te promènes avec ton bateau, tu vois toujours ton équipage se promener, toujours en train de faire de quoi sur le bateau. Ouais. Ça, c'est le fun. T'sais, ça rajoute de la réalisation, c'est super. Mais... Ben, c'est important parce que sinon, des T-bars, tu sais, des T-poses plutôt, pardon. Sauf que le problème, puis je suis sûr que c'est une raison technique que ça n'a pas été fait, mais quand tu pognes des vagues, puis tout ça, ton bonhomme, il reste droit, bien straight. Ouais. Puis ça fait juste un peu, comment je pourrais dire, tu sais, ça fait comme si t'étais dans une petite bulle à l'abri de tout. Puis que peu importe si le bateau, genre, il bouge comme sans bon sens, tu sais, ton crew, lui, est correct, les commences pas grave, tu sais, y'en a pas de problème. Fait que, je sais pas, on dirait, j'aurais soit. Ben, y'en a qui ont le pied marin, ils sont capables de très bien négocier ces vagues-là. Mais je sais pas, on dirait que j'aurais peut-être aimé juste voir, tu sais, des petits insides, genre, t'en vois un tomber une fois de temps en temps. J'ai entendu dire que dans Assassin's 10, sont en train d'essayer de travailler sur une technologie de la sorte. Là. Ah, c'est pas si pire, on devrait l'avoir d'ici là. Fait que je vais m'habituer, puis c'est bon. Fait que somme toute, la partie navale de Assassin's Creed 4, drapeau noir, c'est fantastique. C'est la chose qui nous fait le plus triper. Mais t'sais, revenons aux choses moins sérieuses, le reste du jeu, finalement. Ouais. Bon. C'est la, la, la, C'est la partie confortable d'Assassin's Creed. Exactement. Puis, un des problèmes que j'ai avec Assassin's Creed depuis très longtemps, c'est la navigation du bonhomme. Ouais, ben ça, on se le cachera pas, là. Souvent, tu viens pour faire du parcours, puis l'idée de base est bonne de tenir une certaine combinaison de boutons, puis d'aller en ligne droite, puis de tout faire le parcours. Tu sais, t'as pas à sauter à des moments précis, puis tout se fait tout seul. Ça a même été simplifié dans le quatrième. Ouais, mais le problème, c'est que souvent, tu vas venir pour courir dans une direction, mais tu vas être assez proche d'un objet qui va être sur ton côté, puis automatiquement va vouloir monter dessus quand toi tu voulais vraiment pas monter dessus. C'est-à-dire les échelles. Ben, entre autres, t'as les échelles, t'as des boîtes, t'as plein d'objets comme ça que tu vas climber sans jamais vouloir le faire. Ouais, ouais, ouais. Pis... C'est comme si dans le code, ils ont décidé de mettre une force gravitationnelle de la puissance de Jupiter dans une petite échelle ou un caisson en bois. Tu passes à côté, puis clac, t'es rendu dessus. Là. Généralement, c'est pas trop un problème quand t'es pas dans une mission. Si tu fais du free roaming, tu t'en sacres un peu parce que, tu sais, tu te promènes, fait que c'est pas la fin du monde, tu peux les débarquer. Quand vient le temps de te sauver, quand vient le temps de courir après quelqu'un, on perd de précieuses secondes. Oh, et quand faut que tu cours après quelqu'un, puis pour l'assommer ou le tuer, peu importe, On dit l'assassiner. Oh, excusez. Mais quand tu viens pour l'assassiner, puis... vraiment, tu l'as dans ta mire, puis finalement tu colles après un mur, puis tu te mets à grimper, puis tu perds de sérieuses secondes. C'est moyen, là. Pas le fun. Il y a d'autres moments aussi où on va être en train de grimper de façon verticale, et puis on va arriver, mettons carrément sur le coin d'un toit. Les deux mains de Edward, c'est ça? Deux mains d'Edward vont juste se clamper sur la bordure du toit, et il va rester là pendant quelques secondes. T'es encore en train de garder ton piton. De parcours et le joystick par en avant pour dire c'est par là que je m'en vais. Ouais. Mais on dirait qu'il veut absolument finir sa petite animation de OK, je vais mettre mes mains ici. 3, 4. Ah, puis là, je vais continuer. Ouais. Il y a ces freins-là qui m'arrivent quelquefois puis qui me bug énormément. Ah, ça arrive, puis je veux dire, il y a beaucoup de fois où j'ai essayé de grimper après un objet, puis des fois, il voulait juste pas, fallait que je me reprenne, que je redescende, que je remonte. Puis la direction est très sensible aussi. Oh, faut faire attention. Vraiment. Quand on dit qu'on se colle là, sur une échelle ou une caisse ou quelque chose comme ça, c'est parce que notre joystick a bifurqué là, d'à peine quelques degrés dans son axe, puis il a décidé de s'en aller par là. Ce qui m'a fait penser comme navigation... Tu sais, quand on jouait à Sonic 1, là, genre le bonus stage à la fin, quand tu pognais la grosse anneau, là, ouais. Que Sonic est tout le temps en plein milieu de l'écran, puis il faut que tu tournes le stage autour de lui. C'était pas dans Sonic 2, ça? Dans Sonic 1. Sonic 2, ça, c'est quand tu tournes sur la boule en 3D. Ah! OK, oui, donc? Ouais, ben, ça te fait penser à ça? C'est comme si Edward, il est en plein milieu de la place, mais ce que tu fais, c'est que tu tournes le monde autour de lui, puis tu déboules dedans. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Mais ça, c'est moi, là. Mes années dans la cuisine en train d'éplucher des patates qui m'ont fait penser à ça, là. Probablement que l'odeur de patates t'a affecté les neurones, puis... Fort probablement. Puis heureusement, dans Assassin's Creed, on n'a pas besoin de vendre la patate. On va vendre du rhum ou du sucre. Ouais. Puis c'est à peu près ça. Non, c'est ça. Sinon, niveau combat, attendez-vous à la même chose que dans tous les autres assassins. En fait, tu vois, j'ai eu pas mal de misère avec le combat parce que je pense l'avoir trouvé pas assez réceptif à mon goût au début. Mais j'ai fini par catcher le timing, ça m'a pris du temps, puis finalement, c'était bon. Mais ça, tout est une question. Il demande un peu plus de timing que Assassin, admettons, 2, Brotherhood puis Revelation. Mais il y en a un peu moins que Assassin 1 en demandait. Parce que Assassin 1, c'était vraiment le technique. C'était rudimentaire. Mais sinon, tu sais, c'est ça. Le combat, c'est de faire des counters tout le temps. Ouais, c'est la seule façon de vraiment bien gagner parce que tu peux pas juste donner des coups d'épée jusqu'à temps que les ennemis meurent. Non, puis à cause que tout le monde a des épées aussi, t'es obligé de. Comment est-ce qu'ils disent ça dans le jeu là? Parier. Parier, il faut briser la garde en fait de l'ennemi devant toi avant d'être capable de bien donner un coup d'épée. Non, c'est ça. Puis tu sais, dépendant de l'ennemi, il y aura pas les mêmes tactiques non plus. Mais généralement, je veux dire, c'est exactement le même combat à quelques tuning près. Ouais, là, ouais. Mais vous allez vivre la même chose que vous avez vécu ailleurs dans les autres jeux d'assassin. Ouais, une petite déception pour moi au niveau de justement la réalisation dans le combat. Je trouve qu'il y a un petit manque de synchronisme au niveau du son qu'on entend au coup d'épée et le coup d'épée visuellement lui-même. Fait que moi, là, je suis en train de swinguer mon épée 3-4 fois, puis j'ai peut-être entendu un coup d'épée. Je sens pas mes coups d'épée rentrer comme faux, contrairement à, mettons, Batman, Arkham City, puis Origins, où est-ce que tes coups de poing, ils fessent, ton counter, ils fessent, la réalisation dans le son, là, c'est punché, puis tu le sens, les coups. Là, dans Black Flag, j'ai comme l'impression que ça tombe un petit peu dans le vide, puis ça enlève de mon immersion dans le combat. Mais ouais, ça me bug pas au point où ça me déconcentre puis je suis pas capable de gagner. Mais tu trouves ça juste peut-être un peu décevant. J'ai pas remarqué personnellement en jouant, mais tu m'en parles. C'est peut-être un problème d'Xbox 360 aussi là. Peut-être. Contrairement à PC. Ouais, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais tu sais ça se pourrait, je veux dire, c'est genre des petits détails techniques des fois qu'on laisse de côté puis on s'en rend pas trop compte puis finalement c'est correct, mais tu sais justement du monde comme toi vont s'en rendre compte, vont trouver ça moins intéressant. Ouais, parce que c'est ça, tu vas dire que je suis perfectionniste là. Ouais, un peu. Anyway, ouais, c'est ça. Fait que, on va passer à autre chose. Au niveau des armes, puisqu'on est là dans le combat, les armes sont à peu près les mêmes. Ben, c'est-à-dire, on a nos Hidden Blades, qui sont toujours très, très, très utiles. On a deux épées maintenant. Ouais. Fait qu'on est capable de faire des pirouettes en spinant sur nos talons et puis juste tout simplement déviarger tout ce qui se passe. Ouais. T'as les fusils. Oui, on a maintenant une possibilité de 4 pistolets sur nous une fois qu'on les débarre tous, ouais. qui peuvent servir à tirer un ennemi bien précis au loin, ou on peut s'en servir les 4 un après l'autre successivement pour pas tuer, mais incapaciter certains autres ennemis devant nous. Mais ça, c'est le côté qui blend un peu moins bien, je trouve, entre le côté pirate puis le côté assassin. Ouais. Parce que je me dis, c'est vrai qu'un pirate va utiliser des fusils puis c'est bien correct puis tout ça. Mais dans l'univers d'Assassin où le trois quarts du temps tu veux être stealth, ouais. Utiliser un fusil fait pas de sens. Fait que pour moi, utiliser le fusil, admettons, à part quand justement j'aborde un bateau et tout ça, ouais, là je veux l'utiliser. Quand tu veux éclairer une place rapidement, ça. Là. Mais en dehors de ça, j'utilise jamais parce que je veux utiliser mes Hidden Blades, je vais essayer de me cacher. C'est sûr que si je tire du fusil puis j'essaie d'être sneaky, ben je veux dire les autres ennemis vont voir puis ils vont t'attaquer puis ça vaut pas la peine, t'sais. Mais pour ce faire on aurait ajouté la blowpipe là, la pipe à cocaïne, je sais pas trop. non, j'ai pas regardé la bonne définition traduction du mot. En fait, c'est ça là, c'est une pipe avant dans laquelle on va lancer des fléchettes, même principe qu'on avait dans Assassin 2, je crois là, c'était soit on t'endort et ou bedon on te rend mongol. L'ennemi se met à varger autour de lui là sur ses amis, ce qui est quand même une... tu veux rester furtif. Ouais, c'est ça, c'est la bonne alternative, armes, ça, ouais. le fusil il est vraiment pas fait pour être furtif. C'est vraiment quand t'es justement en mer ouverte pis t'as des ennemis que tu sais que t'as pas besoin d'être caché pis tu vas l'utiliser, mais en dehors de ça, moi je sais jamais. Fait que... Ben c'est ça, pis j'attends d'avoir les 4 guns dans ma progression pour pouvoir faire les 4 coups successifs puis juste la capacité de tout le monde. Non, mais justement, ça. La blowpipe est très utile pour s'en aller loin sans jamais être vu, créer des distractions et tout. J'ai vu qu'il y avait des throwing knives. Ouais. Ils ont pas l'air de forcer à ce qu'on s'en serve tant que ça. Ben, c'est sûr, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment utilisé ou quoi que ce soit. Fait... Ouais, c'est l'équivalent d'un gun à courte distance qui est furtif, donc qui fait pas de bruit. Ouais. Mais à date, on dirait que je suis pas capable d'en avoir plus qu'un sur moi, fait que je vois pas à quoi ça sert. Non, c'est ça, exactement. Puis sinon, on a les fameuses bombes de boucan qui nous permettent de s'échapper. De s'échapper. C'est ça. On a, pour s'échapper, on a les mêmes affaires que d'habitude, c'est-à-dire les tas de feuilles. Ouais, les bottes de foin. Les bottes de foin. On a les stalking zones qui étaient là dans Assassin 3, c'est-à-dire les champs de agricoles. Que tu peux te cacher dedans. Ben, c'est ça. Là, c'est une zone très large dans laquelle on va pouvoir se promener accroupi puis on va pouvoir regarder les gens autour de nous puis la même mécanique là, de stealth assassination, tu prends le gars par derrière puis tu le traînes dedans, exactement, tu le siffes, tu le fais approcher puis après ça tu le ramènes dans le tas de feuilles, tu le tues puis tu continues avec that's all, c'est fini. Ah, c'est ça, niaise pas avec ça. Ouais, puis là au niveau de l'exploration, parce que tu sais tout ça sert à de quoi là, on débarre pas vraiment plus d'habilité pour se rendre ailleurs. On fait juste débarrer des nouvelles places qu'on a à explorer. Puis qu'est-ce qu'on explore? Ben, on explore la même affaire. Des Animus Fragments. Ouais. Il y en a à peu près partout. Des coffres au trésor, mais il y en a deux classes de coffres au trésor. Ouais, le coffre au trésor normal. Ouais. Puis t'as les fameuses cartes au trésor. Ouais. Qui ne va pas s'en rappeler Red Dead Redemption. En effet, ça. La même affaire. C'est la même chose. La même affaire. C'est le même jeu. Ouais. C'est la seule différence, c'est que là, on a une coordonnée sur la carte en tant que telle qui nous donne une bonne piste là, vers où aller. Ouais. Mais non, sinon, je veux dire, il y a les viewpoints qui sont toujours les mêmes qu'il y a toujours eu. Puis ça n'a jamais changé. Puis je pense que ça changera jamais. Non, parce que ce qui est bien, c'est que c'est l'identité du jeu. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est juste... des fois, je sais pas, on dirait que j'ai perdu le côté collectionneur que j'avais dans la série d'Assassin 2. De tout vouloir, tous les viewpoints, de tout avoir les fragments, de vouloir tout débloquer. On dirait que là, je l'avais moins, puis... On sent pas qu'il y a une grosse récompense en bout de ligne. Non, si c'est les ça, c'est que... Ou peut-être qu'on la sent plus parce qu'on est tellement habitué, parce qu'on a joué aux autres, puis bon... À un par année, on peut peut-être s'essouffler. Ben c'est ça, parce que moi, je me rappelle quand Assassin 2 était sorti, j'ai joué... Je l'ai fini comme en une semaine, j'arrêtais pas de jouer, puis okay. C'était comme non-stop juste de ça. Ah, c'est là que t'étais! Ouais, tu sais, quand j'ai disparu, là, puis la police, puis les pompiers... Hey, papa et maman t'ont tellement cherché, là! Ouais, ça bien. Donc... C'est là que ça sort! Ouais. Eh ben... Mais non, c'est ça, fait que tu sais, j'avais vraiment le goût de tout ramasser. T'sais, à chaque fois que je voyais un viewpoint, j'étais comme ok, fuck la mission, je vais en chercher le viewpoint. Mais ça n'empêche pas que le viewpoint est important pour au moins révéler la carte autour de toi. Tout à fait, ça a quand même son utilité. Sauf que on dirait que j'ai pas le sentiment de devoir aller chercher tout de suite. Tu sais, je me rappelle les premières fois que justement dans Assassin 2 où j'arrivais dans une ville, c'est comme ok, je vais unlocker tous les viewpoints au plus maudit. Puis, tout voir qu'est-ce qui est disponible à moi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Puis après ça, je vais commencer à faire l'émission. On dirait que là, je suis comme, je vais le faire quand ça va être le temps, j'imagine. T'sais, si j'ai besoin d'aller dans la zone puis j'ai pas de map, bon, ben, je vais aller le chercher. Ben, mais ouais. On dirait que je ressens pas le besoin d'aller le chercher nécessairement en dehors de ça. Mais il y en a un connectable qui est différent des autres, là, qui ressemble un petit peu à des pages de parchemin qu'on avait dans Assassin 3, qui est comme une espèce de feuille qui vole au vent. Ça, ouais. Ça, c'est la chose qui a remplacé, mettons, la course contre un bonhomme. Ouais. Et puis, c'est les feuilles de chant, de chansons en haute mer. Ouais. Les shanty. Là, quand t'arrives à côté de ta petite page, là, elle est là, puis elle te nargue, là, elle est dans les airs, elle flotte. Quand tu t'approches, elle part. Ouais. Puis là, faut que tu cours. Faut pas que tu fasses comme on disait tantôt, là, c'est-à-dire comme peser un petit peu trop à gauche puis manquer ta shot. Parce que non, c'est pas. Ça, parce que souvent tu viens pour sauter sur la page en question puis tu sacs le camp à terre. Ouais, puis dans l'autre direction puis tu meurs parce que t'es en hauteur. Ouais. Fait que, ouais, on collectionne des nouvelles chansons pour donner à notre équipage. Ce qui fait que quand on est en haute mer, ben, on peut leur dire hey les gars, chantez. Ce qui est toujours agréable. Ce qui est quand même le fun parce que ça rajoute tellement de réalisme au niveau de. J'étais en haute mer, puis là j'ai mon crew qui a le bon moral, puis ils chantent des tunes sur on sait pas qui, sur Marie qu'elle laisse marier. Puis encore là, c'est un côté de la piraterie qui est le fun. Ouais. C'est quelque chose qu'ils ont rajouté, un petit détail qui fait que tu te sens un peu plus pirate, puis un peu plus capitaine de ton bateau. Puis c'est super intéressant à ce niveau-là. T'sais, réalisation est incroyable là-dessus. Ouais. Puis pour faire plus pirate aussi, on va parler un petit peu du background story, malgré qu'on le connaît pas très bien. Cette période de l'histoire-là nous échappe un peu. Mais Barbe Noire est un personnage important dans l'histoire. Il y a James Kidd aussi que je connais pas du tout. Dans le fond, on vient qu'à se faufiler à travers les grandes lignes d'une partie d'histoire qui est quand même assez, comment dire, obscure pour un Nord-Américain moyen. Ouais, c'est ça. Qui écoute peut-être trop de TVA dans ces temps libres. Ouais, c'est ça, tu sais, mais en gros, là, c'est Pirates des Caraïbes, le jeu, tu sais, c'est... C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Ça fait vraiment penser à ça, la façon que les cinématiques sont présentées, puis tout, t'as un peu l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes. Mais avec un protagoniste pas mal moins charismatique que... Oui, non, ça c'est sûr. Edward Kenway, je dis, c'est comment dire, c'est un personnage principal juste correct. T'sais, ça peut être n'importe qui, n'importe quel personnage, n'importe quel jeu qui est sorti récemment, c'est lui. T'sais. Ouais. Je dis, ça peut être, y a pas le petit côté genre charismatique ou tu sais, y a pas un côté d'une personnalité qui est vraiment qui le définit plus qu'un autre personnage. C'est pour ça que moi, tu sais, j'ai moins d'attachement envers lui. Je suis comme, je sais pas, on dirait qu'Ezio, il y a vraiment. Jeune Ezio, parce que vieux Ezio, il était un peu fucked up. Mais jeune Ezio, il était vraiment super charismatique. Il y avait quelque chose qui donnait le goût de l'aimer puis de le jouer. T'sais. Tandis que Edward, j'avais moins ce feeling-là. Je le trouve correct, mais c'est pas spécial, disons. Ce qui nous amène pas mal au mot de la fin, je dirais, parce qu'on a fait bien le tour. Bon, ben qu'on joue à Assassin 4 drapeau noir pour les personnages, pour le gameplay, pour toutes sortes d'affaires, ben on le fait. Ouais. Oh oui. Je vois vraiment pas comment j'aurais pu plus mal tourner cette phrase-là que ça. Là. Mais c'est vrai qu'on le fait. C'est ça. C'est donc, le verdict, est-ce qu'on y va pour la bière ou le jeu, Gaétan? Ben, moi personnellement, je vais y aller pour la bière parce que j'adore vraiment cette rousse du naufrageur. Mais le jeu est bon, mais comme je dis, c'est que moi, ça m'a donné le goût de jouer un jeu de pirate. Mais je suis pogné avec un jeu d'assassin avec un skin de pirate. Fait que j'aurais aimé ça avoir vraiment un jeu fullement rempli de pirates juste de ça, puis qu'on laisse tomber tout le côté assassin, le combat, puis tout ça, qui est pas désuet, mais on est juste rendu trop habitué. Fait que ça aurait été le fun de faire quelque chose d'un peu plus différent. J'aurais vraiment aimé voir, genre, justement, un jeu de pirates des Caraïbes, tu sais, pleinement. Ouais, ouais, ouais. Dans mon cas, ben, j'étais un peu partagé, donc je vais y aller avec la bière, mais avec le côté pirate d'Assassin's Creed. Je pense que... puis si j'avais à choisir, là, vraiment, comme dans le plus profond de mon cœur, ça serait le côté pirate avec un baril de rhum, là. Mais ça, c'est quand t'es pas là, là. Non, c'est fait ça. Non, somme toute, Assassin's Creed, un très bon jeu. On a beaucoup aimé. On va continuer parce qu'il y a plein de bonnes affaires à faire là-dedans. On va vouloir aller dans le coin de la map puis se taper le Legendary Ship. On va vouloir le couler. Affaire de chienne-là. On va l'avoir. On va se pratiquer. On va monter notre bateau. Mais voilà qui conclut cet quatrième épisode de la barrique numérique. Gaétan, t'es toujours partant pour continuer cette bière-là parce qu'elle n'est pas tout à fait finie, parce qu'on l'a pas calé, on l'a juste bien bu. Non, c'est ça. Regarde, on va affiner, c'est sûr. On n'a pas le choix de toute façon. On fait pas ça du gaspillage, nous autres, chez les cassettes. Pas vrai, ça. Alors, chers auditeurs, merci vraiment, vraiment beaucoup d'avoir été là. On attend vos nouvelles. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pensez à un combo de jeux de bière qui pourrait être intéressant, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, tout ça est dans nos links sur SoundCloud. Puis on va vous répondre avec grand plaisir. Ouais, ouais, ouais. Puis on va essayer de vous trouver plus d'histoires de ce 28 juillet-là là, que j'ai essayé d'éviter tout à l'heure. Mais ça, c'est pour un autre jeu. Again. C'est pour une autre fois. À la prochaine.